نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا communauté musulmane est malmenée aujourd'hui de l'intérieur. Soi-disant, au nom de l'islam, des prêcheurs beaux parleurs détournent de la vérité des jeunes d'Europe, d'Occident et d'Orient. Il aura un souffle une interprétation fausse, dangereuse et destructrice du jihad, le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ces hommes mauvais font de ces jeunes des victimes et les transforment en chair à canon ou en bombes humaines qui répandent la souffrance sur terre, que ce soit en terre musulmane comme à Casablanca ou avec les kamikazes de Palestine, ou en terre non musulmane comme dans les métros de Paris, les trains de Madrid, les autobus de Londres ou même les avions de New York. Ce comportement ne relève pas de la religion d'Allah. Ce n'est pas l'islam, et il est temps aujourd'hui d'en apporter la preuve tirée du travail de nos savants, hafidhahumullah ta'ala, d'où la nécessité d'étudier ensemble cette risala de Cheikh Abdel Mohsin Labbad, hafidhahumullah ta'ala, qui est le muhaddith de Médine, avec le commentaire de Cheikh Saleh Suhaimi, hafidhahumullah jami'an, puisque Allah nous a demandé toujours de nous en remettre aux savants de la religion, aux hommes de science dignes de ce nom. فشيخ حفظه الله يا لا شك أن كل ذي لب وكل ذي عقل يظهر له ما يجري على الساحة، فالناس بدأت تسمي الأشياء بغير اسمها، فهذا التفجير وهذا التدمير الذي ظهر في هذه الآونة الأخيرة وكثر في هذه الآونة الأخيرة ذهب ضحيته شباب كثير غرر بهم، فأصبحوا ضحية للذبابات وأصبحوا ضحية للأحزمة المفخخة، شباب لا ذنب لهم إلا أن عندهم حماس، وذلكم الحماس للإسلام، حماسهم غير موجه، التوجيه السلفي والتوجيه السني، اتبعوا زعماء يدعون العلم وما هم بعلماء، زعماء سموا الأشياء بغير اسمها، فسموا التفجير والتدمير جهادا. ومن هنا يتحتم علينا دراسة هذه الرسالة التي عنون لها الشيخ محدث المدينة حفظه الله تعالى بعنوان بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. ويحكم أفيقوا يا شباب. ودراستنا تكون من خلال تعليق الشيخ السحيمي حفظه الله تعالى على الرسالة، وهو تعليق فرغناه من خلال شريطين، والشريطين موجودان معنا إن شاء الله. هذا تطلبون من الأخ من الإخوة أن يسجل لكم الأشرطة للذين يتقنون العربية حتى تكون معكم، والشريطين الذي يريدهم يطلبهم من المكتبة الصوتية لمسجد الحرم النبوي. فيقول الشيخ سحيمي حفظه الله معلقا على عنوان هذه الرسالة، يقول: هذه عبارة تنبيها لشباب الأمة بأن يضعوا الأشياء في مواضعها الصحيحة، وأن لا يسموا الأشياء بغير اسمها، لأننا في زمن سميت فيه الأشياء بغير اسمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وفي رواية أنهم يسمون الخمر بغير اسمها. au commentaire du titre de la Risala. La Risala porte le titre avec quelle raison et dans quelle religion le fait de poser des bombes et de détruire fait partie du combat sur le sentier de Allah Azzawajal. Aux jeunes de la communauté, réveillez-vous. Ça, c'est le titre qu'a donné Cheikh Abdel Mohsin Labbad à sa Risala. Cheikh Suhaimi Hafidhahullah Ta'ala, de commenter ce passage et de dire que cette expression d'Yel Cheikh, hein, cette expression qu'a orienté Cheikh, qu'a donné Cheikh aux jeunes, c'est pour qu'ils se réveillent. Et pour qu'ils mettent les choses à leur place, hein, et qu'ils l'appellent les choses par leur vrai nom, hein. Et il dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, parce qu'on est à une époque où les gens ont donné des noms, des fausses noms à des situations. Et ceci va de pair avec la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit qu'il sera dans ma communauté des gens qui vont appeler Zina, qui vont appeler, hein, qui vont rendre licite zina et qui vont rendre licite pour les hommes les habits de soie et qui vont rendre licite l'alcool et qui vont rendre licite les instruments de musique, etc. Dans une autre version, ils vont appeler l'alcool avec un autre nom qui n'est pas son nom. Ils vont donner un autre nom. Non, la même chose. Ceux-là, ils appellent là ces actes de barbarie, ils les appellent combat sur le sentier de Allah Azza wa Jal. وكذلك وجد الآن يقول الشيخ سحيم حفظه الله من يسمي الجهاد بغير اسمه يذبح الأبرياء من المعاهدين والمسلمين ويسمي هذا جهادا يذبحهم كما تذبح النعاج أو ينسفهم ويقتل نفسه ويسمي هذا جهادا وهذا ليس من الجهاد في شيء. الشيخ سحيم حفظه الله تعالى de dire et maintenant à notre époque il y a des gens qui appellent des actes de barbarie en leur donnant le terme de jihad, donc ils les appellent avec quelque chose qui n'est pas leur nom, qui leur appartient pas. Leur donne un faux nom. Ils égorgent les innocents, que ce soit parmi ceux qui sont rentrés en sécurité dans un pays de l'islam, ou là, les musulmans eux-mêmes, donc des innocents, ils les égorgent comme on égorge les brebis, et ils appellent ça combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et des fois, il se tue lui-même, il s'explose lui-même, il rend les gens, il fait partir les gens en miettes, en s'explosant lui et en explosant les autres avec, et il appelle ça combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. يقول الشيخ حفظه الله بل هو والله وطالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله أنه من الإفساد في الأرض ومن المحاربة لله ورسوله. قال عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض. الشيخ فيها سيرمون il dit par Allah. Trois fois, il fait le serment trois fois. Hein? Par Allah, il dit ce serment, je le fais pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, comme acte avec lequel je me rapproche d'Allah Azza wa Jal, que ce qu'ils font, c'est un mal sur terre. Et c'est une guerre contre Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans cette traduction approximative du sens du verset, certes, la récompense de ceux qui font la guerre à Allah Azza wa Jal et à son messager, et qui font le mal sur terre, c'est que ils soient tués, ou ils soient crucifiés, hein, yusallabu, hein, ou que leurs mains et que leurs pieds soient coupés de leurs racines, ou alors on les exile de la terre. يقول الشيخ حفظه الله تعالى فهؤلاء أفتاهم شياطين الإنس العياء الدعوة الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم بأن ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يفجروا أنفسهم. Il dit ces jeunes, les pauvres, ce sont les diables des humains qui leur ont fait ce verdict. Ceux qui prétendent être leaders d'El Dawa ou là, qui prêchent, etc. prétendent. Et ceux-là, en réalité, ils rendent mécréants les musulmans. Et ils font licite le fait de tuer des musulmans, hein, et de voler leur argent et de prendre leurs biens. Ils ont promis à ces jeunes le paradis. Contre eux, le paradis, c'est le fait de s'exploser. فانطلت هذه الفرية على بعض الشباب الأغمار المساكين الذين عندهم حماس غير موجه عندهم حماس إسلامي لكنه غير موجه التوجيه السني السلفي المحمدي الذي يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. il dit, et ces fausses idées, hein, et ces ambiguïtés se sont immiscées dans l'esprit de ces jeunes ignorants, de ces jeunes qui n'ont pas d'expérience, ces pauvres jeunes, qui ont de l'enthousiasme et l'amour pour leur religion, mais cet amour et cet enthousiasme n'est pas orienté. L'orientation islamique, l'orientation salafi, l'orientation de la sunna, l'orientation de la voie de Mohammed alayhi salam. Et cette orientation qui va de pair avec la parole d'Allah, Zawajal et la sunna de son prophète alayhi salatu salam. Wa yaqulu shaykh hafidhahullah, wa lidha ikhtara shaykhuna hadha al-inwan. ويحكم أفيقوا يا شباب أي انتبهوا وإياكم أن تسموا الأشياء بغير اسمها وارجعوا في هذه الأمور إلى علماء الأمة وثراثها وذوي الفضل من أهل العلم الذين يقضون بالحق وبه يعدلون لا إلى الزعماء الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم علماء وهم أدعياء للعلم يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يفهمون ويفسرون الكتاب والسنة وفق أهوائهم ويضربون نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض ويضربون نصوص السلف الصالح وفهمهم بعضها ببعض فلا حول ولا قوة إلا بالله. Il dit, c'est pour ça que notre cheikh, c'est-à-dire cheikh Sahami dit, c'est pour ça que notre cheikh, son cheikh, cheikh Abdel Mohsin Labbad, a choisi ce titre pour attirer l'attention des jeunes. Réveillez-vous aux jeunes, faites attention, hein, ne n'appelez pas les choses, appelez les choses par leur vrai nom. Ne leur donnez pas d'autres noms, appelez-les par leur vrai nom. Et dans ce genre de situation, il faut revenir vers les hommes de science, vers les hommes de science de cette communauté, vers les savants dignes de cette communauté, qui savent faire la part des choses, et qui, quand ils décrètent avec justice, et selon le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salam, hein, non, il ne faut pas revenir vers les leaders, vers ces leaders qui prétendent qu'ils sont des hommes de science. Hein, ils prétendent tout simplement avoir de la science ou être des hommes de science. Et ça, c'est faux. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et ils parlent de choses qu'ils ne comprennent même pas. Et ils expliquent le livre d'Allah. Ils expliquent le livre d'Allah, Azza wa Jal, et la sunna de son prophète, alayhi salam, selon leur passion. Selon leur passion. Et ils heurtent les textes. Hein, ils heurtent les textes les uns contre les autres. Hein, ils heurtent, hein, ils fracassent la tête des textes de ne plus être dans l'alem les uns contre les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول الشيخ وهنا نفتجيد للشيخ اسمع لا يا اخي الاسلام وهو من هو جاوز 60 عاما وفي هذا في الصيف الماضي اخذ تقاعده من التدريس من الجامعة الاسلامية فاسمع ماذا يقول لا عليك خذ هذه الفائدة من الشيخ يقول حفظه الله تعالى نود أن نقرأ كتاب شيخنا ونستمتع به جميعا ونستفيد منه وأول من يستفيد منه بإذن الله أنا وأول من يستفيد به منه بإذن الله أنا هذا من يقوله شيخ صالح السحيمي دكتور ها؟ تجاوز الستينات وهذه السنة أخذ تقاعده من الدراسة في الجامعة الإسلامية يقول حفظه الله لأن شيخنا له لفتات طيبة وتنبيهات ثنية ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا ويستفيدوا منها. Ce passage est très important. Il y a une phrase dedans à laquelle il faut que nous donnions, qui doit attirer notre attention. Cette phrase sort de quelqu'un qui a dépassé la soixantaine et qui est enseignant dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam. Cette année, il était pendant longtemps professeur à l'université de Médine. Et cette année, cet été, il vient de prendre sa retraite au niveau de l'enseignement dans l'université de Médine. Mais sinon, alhamdoulilah, il a toujours sa chaise à l'intérieur de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Écoutez ce qu'il dit. J'espère, nous aimions lire cette risala, ce livre de notre shir, parle de Cheikh Abdel Mohsin Labbad, et prendre plaisir et profiter de cette risala qu'a écrit shir, et le premier qui va en profiter, c'est moi. Le premier qui va en profiter, c'est moi. C'est-à-dire, Cheikh Suhaim dit, le premier à qui ça va en profiter, c'est moi. Hein? C'est un docteur. Hein? Combien d'années il a enseigné dans la mosquée du prophète, alayhi salam? combien il a côtoyé de grands savants, etc. Et chez qui il a appris. Et cette phrase-là doit attirer notre attention. Pour ne pas négliger quoi que ce soit qui nous vient de nos pays aïeuls et du savon de la communauté, ça a son importance. Parce que des fois, on a tendance, pourquoi commencer avec ce livre? Pourquoi pas prendre cela? Là, celui-là, on sait ce qu'il y a dedans. Là, il y a Akhi. Regarde la position de Cheikh Salah Souhaïm. En réalité, de nos savants, nous apprenons beaucoup de choses. La science qu'il nous donne, et nous apprenons aussi le comportement et comment il faut être avec les livres des savants, comment il faut être avec les savants, etc., etc. Tout ça, il est dans le fait de côtoyer et de s'asseoir sur le mashayikh hafidhahumullah ta'ala. Il dit parce que notre shir, en parlant de Cheikh Abdel Mohsin Labbad, il attire l'attention, il a des bons, il a une tactique pour attirer l'attention et il a des choses très très excellentes sur lesquelles il attire notre attention. C'est pour ça, il dit qu'il est demandé à ceux, aux demandeurs de science, qu'ils fassent très attention, qu'ils profitent de cette risale-là, qu'ils profitent de cette risale-là. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى أما بعد فإن للشيطان مدخلين على المسلمين ينفذ منهما إلى إغوائهم وإضلالهم أحدهما أنه إذا كان المسلم من أهل التفريط والمعاصي زين له المعاصي والشهوات يبقى بعيدا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه البخاري ومسلم رحمهم الله جميعا et une introduction de sa risala Cheikh Abdel Mohsin Labbad il dit Shaitan il a deux voies par laquelle il rentre chez les musulmans pour les détourner et pour les égarer. Si le musulman fait partie des gens de la négligence et des péchés, il lui embellit les péchés et les plaisirs pour qu'il reste loin de l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Il est très loin de l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Il nous ramène un hadith du prophète alayhi salam. Il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, que le paradis est entouré de tout ce qui est difficile. C'est-à-dire le chemin du paradis est un chemin difficile. Il faut faire des efforts. Et que l'enfer, il est entouré de plaisir. Tout ce qui est facile, tout ce qui est plaisir, c'est... Oui, dit le Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Abdel Mohsin Labbad, et le second, que si le musulman est de l'État et de l'Ibada, il a le fait de l'Ifrat et يفسد عليه دينه وقد قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره وهو من أحاديث حجة الوداع انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى من يقول هذا انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة محدث المدينة فهذا محدث المدينة يحيلك إلى تخريج الشيخ ناصر رحمة الله عليه فماذا يقول من ينعت الشيخ بما ليس في الشيخ وبما الشيخ بريء منه انظر محدث المدينة كيف يحيلك على تصحيح الشيخ رحمة الله عليه Et le deuxième point du Cheikh, quand le musulman, la deuxième rentrée par laquelle vient Shaitan, chez le musulman, quand le musulman il fait partie des gens de l'obéissance qui obéissent à Allah Azza wa Jal et qui accomplissent des adorations, il lui embellit les extrêmes et le fait de dépasser ses limites dans la religion pour qu'il lui rend sa religion mauvaise Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans cette traduction approximative du sens du verset, ô gens du livre, n'allez pas aux extrêmes dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. L'ordre vient min Allah de ne pas aller aux extrêmes. Dans l'autre verset qu'a cité Cheikh Hafidhahullah ta'ala, dans la traduction approximative du sens, dit, ô gens du livre, n'allez pas aux extrêmes dans votre religion et ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant et qui ont égaré beaucoup de monde et se sont égarés du chemin droit. Wa atana bi hadithin an rasulillah, il nous a ramené un hadith du prophète alayhi salatu salam. Il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, attire notre attention. Attention au fait d'aller vers dans l'extrémité dans la religion. Faites attention, n'allez pas aux extrêmes dans votre religion. Car ce qui a fait périr ceux avant vous, c'est qu'ils étaient extrémistes dans leur religion. Ils sont allés aux extrêmes dans leur religion. Hein? Et ça, c'est un hadith authentique, rapporté par Nasa'i rahmatullah alayh et par d'autres. Il fait partie du hadith, des hadiths que le prophète alayhi salatu wasalam a dit lors de son dernier pèlerinage. Hein? Et regardez aussi quelque chose de très important. Cheikh, il nous renvoie une référence parmi les hommes du hadith. Il dit, allez regarder le hadith dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasser rahmatullah alayh. Qui c'est qui le dit? Un des muhadithin de notre époque, qui est Abdou Mohsin al-Abbad. Il nous renvoie vers l'authentification dans la source de, dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasser. عبد المحسن العباد محدث المدينة علامة me renvoie vers l'authentification du Cheikh Nasser. Et certains ne comprenant pas ce qu'ils disent et suivant leur la voie de l'égarement, etc., une des voies de l'égarement, vont parler de Cheikh l'Albani, vont le traiter des choses desquelles Cheikh Nasser rahmatullah alayh, on est innocent rahmatullah alayh. Mais regardez cette leçon que nous donne encore Cheikh Abdou Mohsin al-Abbad. Il attire notre attention sur le fait, il reconnaît la valeur de l'homme. Et c'est ce qui est, les hommes de science, c'est l'avantage qu'il y a. C'est qu'ils remettent toujours les choses à leur place. C'est la clairvoyance et la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Wa yaqulu hafidhahullah. ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في الدين ويزهدهم في الرجوع إلى أهل العلم لئلا يبصروهم ويرشدوهم إلى الصواب وليبقوا في غيهم وضلالهم. قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, il fait partie du ruse d'Yal Shaitan, du manigance d'Yal Shaitan, pour ceux qui vont aux extrêmes, c'est qu'ils leur embellissent le fait de suivre les passions, et le fait d'être imbus d'eux-mêmes. Et ils leur embellissent aussi leur mauvaise compréhension dans la religion. Et ils les détournent, ils les éloignent du fait de revenir vers les hommes de science, ces hommes de science qui vont leur donner, les orienter vers le vrai chemin et qui vont les éclairer dans leur situation. Tout ceci, Shaitan le fait, les détourne des savants, etc., pour qu'ils restent dans leur égarement. Pour qu'ils restent dans leur égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans cette traduction approximative du sens du verset, il ne suit pas les passions. Ne suis pas les passions, car ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Ils vont t'égarer du chemin d'Allah. il a dit aussi dans hein, cette traduction approximative du sens du verset, dans un autre verset, et celui qui est plus égaré que celui qui suit ses passions, sans guider d'Allah Azza wa Jal. Qui est plus dans l'égarement que celui qui suit ses propres passions, sur lesquelles il n'a aucune preuve d'Allah Azza wa Jal. Hein? Il dit aussi dans cette traduction approximative du sens, celui à qui on a embelli son mauvais acte, il voit que son mauvais acte est bon. Allah subhanahu wa ta'ala égare qui il veut et guide qui il veut. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et dans ce verset aussi, il dit, c'est lui qui a, c'est-à-dire Allah, qui a fait descendre sur toi le livre, dans lequel il y a des versets clairs, qui sont la grande partie du livre et sa base, et d'autres que la majorité des gens ne comprennent pas, mais ceux qui sont enracinés dans la science savent les interpréter. Hein? Mais les gens qui penchent vers l'égarement mettent l'accent sur ces versets à équivoque, cherchant la dissension. Un doute, le Coran, son interprétation nous a été transmise par nos plus aïeux, wallah alayhi. Il n'y a aucun doute que Abdullah ibn Abbas a dit, et moi je fais partie de ceux qui savent son interprétation. Il n'y a aucun doute aussi que dans l'interprétation que nous avons reçue de nos puissants d'Allah alayhim et de nos savants, il y a quelque chose qui reste fermé à tout le monde, c'est le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ceci est une porte fermée. Hein? وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم وهو يدل بمنطوقه على أن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين ويدل بمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين بل يبتلى بسوء الفهم في الدين. الشيخ de nous dire, et dans l'authentique de Bukhari, الشيخ ابن محسن العباد, de nous dire dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, Aisha رضي الله عنها a dit que le Rasoul صلى الله عليه وسلم, quand il a lu ce verset qu'on vient de passer, dans lequel il s'agit des versets clairs et des versets qui ne sont pas clairs, il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez ceux qui suivent les versets qui ne sont pas clairs, qui sont à équivoque, ceux-là ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a désignés, faites attention à eux. Ceux-là, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a désignés, faites attention à eux. Et nous citons aussi un autre hadith du prophète alayhi wa sallam, il dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Oula, il le verse dans les sciences de la religion. Rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Il dit, hafidhahullah ta'ala, ce hadith, par son expression, nous dit que celui est fait partie du signe comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à quelqu'un, c'est qu'il lui donne la compréhension de la religion. Et il dit, dans sa définition, le hadith aussi nous dit que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, ben il n'aura pas la compréhension de la religion. Il lui donne pas la compréhension de la religion. Ben il va être éprouvé avec la mauvaise compréhension de la religion. Avec la mauvaise compréhension de la religion. فيقول الشيخ صالح سحيمي حفظه الله تعالى معلقا على هذا المقطع إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإذا يئس أن يغوي الناس مباشرة بالشرك وبالمعاصي وبتزيينها لهم فإنه يعمد إلى الدين فيفسده عليهم. شيخ سحيمي حفظه الله تعالى en commentaire à ce passage dit que شيطان court dans Ibn Adam comme coule le sang, contourne le sang dans les veines de l'être humain. Et quand il n'arrive pas à les détourner et à les envoyer à l'associationnisme directement, ben il les prend du côté de la désobéissance. Il leur embellit leurs mauvais actes. Et il va aussi dans la religion pour la rendre mauvaise pour eux. l'innovation, etc., pour qu'ils fassent des mauvaises choses dans leur religion. فهؤلاء يقول الشيخ زين لهم الشيطان الدين زين لهم الشيطان مخالفة الدين بارتكاب البدع الخطيرة التي ربما تجر البعض إلى التكفير وإلى التدمير وإلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. الشيخ de nous dire que cela, Shaitan leur a embelli leur divergence avec la religion. En les plongeant dans les innovations, en les faisant commettre des innovations très dangereuses dans la religion. Et peut-être que ces innovations vont les amener au fait de rendre les musulmans mécréants. Et peut-être aussi va les amener à détruire. Ça, peut-être ça, ces innovations vont les amener à la mécréance et à l'associationnisme. وَالْبِدَعُ يَقُولُ الشَّيْخ سُحَيْمِ حَفِظَهُ اللَّهُ وَالْبِدَعُ شَأْنُهَا شَأْنُ الْمَعَاصِي منها ما يبلغ درجة الكفر والشرك ومنها ما هو دون ذلك. Et les innovations du Cheikh Souhaïma Hafidahullah Ta'ala, leur situation, c'est là, ils sont dans la même situation que les désobéissances. Fait partie des innovations qui sont du domaine de la mécréance, qui sortent de l'islam. Et fait partie aussi des innovations qui ne sortent pas de l'islam. وعلى المسلم أن يحذر من الأمرين. المعاصي والبدع وهما من مداخل الشيطان والبدع أخضر من أخطر من المعاصي لماذا؟ لأن الذي يفعل البدعة يعتقد أنها دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك الذين قتلوا عليا وعثمان والذين استحلوا دماء الصحابة يرون أن هذا دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى الشيخ سحيم بن نذير. Le musulman doit faire attention à ces deux situations. La désobéissance, les péchés, et le ma'asi, et les innovations. Parce que ce sont des voies par lesquelles arrive Shaitan. Ce sont les entrées, dire Shaitan. Et les innovations sont plus dangereuses que les désobéissances. Pourquoi? Chéri nous dit parce que celui qui fait une innovation, il croit que cet acte, cette innovation qu'il est en train de faire, ça le rapproche d'Allah Azza wa Jal. C'est un acte d'adoration avec lequel il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que ceux qui ont assassiné Ali radiallahu anhu, et ceux qui ont assassiné Uthman radiallahu anhu, et ceux qui ont rendu licite le sang du compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam, voient dans leurs actes que c'est une religion avec laquelle ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal. وربنا يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا الله سبحانه وتعالى nous dit dans cette traduction approximative du verset, dit, est-ce que tu veux que je vous annonce ceux que leurs actes sont mauvais, ceux qui se sont détournés de la voie dans ce bas monde? Ils croient qu'ils sont sur le bien. Ils sont détournés de la voie. Ils sont détournés de la voie d'Allah Azza wa Jal. Et en étant détournés, ils croient qu'ils sont dans... Et ceci est vrai. Quand tu es en face d'un innovateur, regarde. Il croit qu'il est sur la sunna. Il croit qu'il est le meilleur dans la religion. Wa min huna yaqulu al-shaykh. Wa min huna yaqulu Sufyan ibn Uyayna rahimahullah. أن البدعة حب إلى إبليس من المعاصي لماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ صالح السحيمي لأن المعاصي يثاب منها والبدع لا يثاب منها غالبا وهذا على سبيل الغالب. Partant de là, il dit, الشيخ السحيمي nous dit, الشيخ, l'imam Soufiane ibn Uyayna rahimahullah dit que les innovations sont plus aimées à Shaitan que les désobéissances et les péchés. Pourquoi? Il nous dit parce que les désobéissances, celui qui tombe dans une désobéissance et dans un péché, il se repent. Mais en général, celui qui est dans l'innovation, il ne se repent jamais. Et ceci pour la majorité des cas. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'innovation qui reviennent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur veut du bien, que Allah subhanahu wa ta'ala les guide et ils reviennent. Mais ça, c'est en général ceux qui sont imbibés dans la... et imprégné de l'innovation, etc. Et les têtes en général, rare qu'ils reviennent. Hein? Ça, c'est dans la majorité des cas des shirhams. ولكن صاحب وصاحب المعصية يفعل ما يفعل وهو وجل يعتقد أنه فعل منكرا هذا طبعا في غير المستحلين أما المستحل للمعصية فهو كافر لكن شخص وقع في المعصية وهو معترف بأنه مذنب ويتمنى أنه لم يفعل ذلك إنما أغواه الشيطان فهذا وجل ويخشى وإن تاب تاب الله سبحانه وتعالى هذا غالبا ما يتوب. Donc, il cherche de nous dire, celui qui commet le péché, il commet le péché en ayant peur. Parce qu'il sait qu'il est en train de faire un mal, quelque chose de blâmable. Hein? Ada, Cheikh nous dit, naturellement, celui qui est dans cette situation, c'est celui qui ne rend pas licite le fait de désobéir à Allah, Azza wa Jal, de faire le péché. Parce que celui qui prend un péché, qui dit, Ada, j'ai le droit de le faire et c'est halal, Ada, il dit, Cheikh, il est kafir. Hein? Quand il s'arrive à l'istihlal et qu'il le rend licite, Adashir il dit qu'il est kafir. Mais celui qui tombe dans la désobéissance, il sait qu'il est pécheur, qu'il est dans un péché. Il espère se repentir, il espère, s'il se dit dans un même, ah, pourquoi j'ai fait cet acte-là, etc. Tout simplement, à un moment d'insouciance, Shaitan il est venu, il l'a amené sur ce chemin-là. Ada, cette situation est moins grave que l'innovateur. يقول الشيخ ولا شك أن المعاصي خطيرة بل هي بريد الكفر وتقسي القلب وإذا استمر المسلم ربما تصل به إلى درجة الاستحلال الذي ينتج عنه الكفر لكن مع هذا البدع أخطر منها. الشيخ سحيم يقول il n'y a aucun doute que les désobéissances, les péchés sont dangereuses. Ils sont même la poste de la mécréance. La poste de la mécréance. Il durcit le cœur. La désobéissance durcit le cœur. Et si la personne fait des désobéissances, etc., et des péchés, etc., devient facile pour lui. Hein? C'est facile pour lui. C'est comme hein, faire ceci pour bouger son doigt pour s'enlever une mouche de son nez. Hein? Et peut-être que si le péché devient facile pour lui, il le fait tout le temps, etc., peut-être qu'il va le prendre. À un moment donné, il va dire quoi? C'est halal de le faire. Il va croire que c'est halal de le faire. Il va le prendre comme halal. Et donc, qu'est-ce qu'il va en résulter une fois qu'il croit que cet acte péché est halal? C'est la mécréance. Hein? Mais, malgré tout ça, Cheikh dit, mais les innovations sont plus dangereuses que les péchés. Les innovations sont plus dangereuses que les péchés. Il dit, ويقول حفظه الله إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله مبينا أن صاحب البدع يفعل دينا قال من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة يعني يقول الشيخ سحيمي استحسنها بعقل استحسن البدعة بعقله فقد زعم أن محمدا خان الرسالة وحاشاه ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الشيخ de nous dire que bid'a est plus aimé de Shaitan que la désobéissance et le péché. Car du péché et de la désobéissance, la personne se repent. Mais de l'innovation, la personne ne se repent pas. Ça, dans la majorité des cas, comme il l'a expliqué. Et dans ce sens-là, il dit, il y a la parole de l'imam Malik, rahmatullah alayh, pour nous montrer, nous éclairer que celui qui fait l'innovateur, hein, fait ça comme religion. Il accomplit son innovation comme étant une religion. C'est pour ça que l'imam Malik, il a dit dans ce sens-là, celui qui innove, une innovation, il voit qu'il est bonne. C'est-à-dire que par sa raison, il dit cet acte-là, il innove l'acte, il dit c'est un bon acte. Il dit, rahmatullah alayh, celui-là, il prétend que Mohammed a trahi le message. Celui-là prétend que Mohammed alayhi salatu salam a trahi le message. Hein? Il n'y a aucun doute que Mohammed alayhi salatu salam a transmis tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre. Et il a éclairé la communauté. l'a rien laissé, rien omis de du message que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre. Il cite, l'imam Malik rahmatullah alayhi cite ce verset: aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait, je vous agrée l'islam comme religion. Et l'imam Malik de dire, ce qui n'a pas été une religion hier, ce jour-là, c'est-à-dire le jour pendant la vie du prophète alayhi salatu wasalam et ses compagnons, il ne sera pas une religion aujourd'hui. Ce qui n'a pas été des actes d'adoration à l'époque de Mohammed alayhi salatu wasalam et ses compagnons, il ne sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne compte pas comme religion. Il ne sera pas une religion aujourd'hui. Il l'a dit au premier siècle de l'islam. À une époque, c'était une époque qui était, hein, qui a reçu l'éloge d'Allah et de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait beaucoup de, il a dit cette parole-là. Qu'est-ce qu'il en est pour nous maintenant? Hein? يقول الشيخ ما لم يكن يومئذ دينا متى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن دينا في عهده لا يمكن أن يكون دينا بعد مئات السنين فما يستحسنه الناس بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة لا يسمى دينا وإنما هو خزعبلات وخرافات خزعبلات وخرافات الشيخ de nous dire ce qui n'a pas été une religion quand à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Ce qui n'a pas été une religion à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, il ne peut pas être une religion après plusieurs centaines d'années après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Il ne peut pas être une religion. Est-ce que certains esprits disent ça c'est bon à faire, etc. Des fois des gens ils disent ça c'est bon à faire. Ils le disent comment? Par leurs raisons qui sont limitées et par leur compréhension qui sont limités aussi, hein. Et ce qu'ils rendent comme bon, n'est pas bon. Puisqu'il n'est pas dans la, il a pas été fait par le prophète, alayhi salatu wasalam, ni par ses compagnons, etc. Ceci, on l'appelle khurafat, on l'appelle khuzabilat, on l'appelle tout ce qu'on veut, mais c'est pas une religion. Ça ne peut pas être une religion. Ça ne peut pas être une religion. Et écoute, cette énormité de l'un des leaders. Un leader. Hein. Son nom, il est connu à travers l'Europe et à travers le monde, un des leaders d'El Tabligh. Il monte il n'y a pas longtemps dans une mosquée dans le sud. Il a dit, Wallah, Wallah, Wallah, même s'il y a un acte, s'il y a un acte bon et que le prophète n'a pas fait, il faut le faire. Où il en est sa parole à celui-là, à ce leader, de la parole du prophète, à l'exception de la parole de l'imam Malik. Hein? هنا تعلم جهل هؤلاء يقسم بالله إن إذا كان العمل غير صالح ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم نفعله لأنه عمل صالح بماذا حسنته يا هذا بماذا حسنت هذا العمل ما هو الميزان الذي حسنت به هذا كمان تي غوندي كو سيت اكتي سوا بون كمان تي لو سي افيك كيل غيزون تا غيزون ها سي سكي بون سي سكي دون لو ليفر et dans l'authentique de la sunna. Est-ce qu'on fait les puzères d'Allah alayhim? En dehors de ça, il n'y a rien de bon. Hein? Et, قول هذا مع قول الإمام مالك. وكثير من أئمة العلم يقولون مالك حجة. مالك حجة. Relignez la parole de l'ignorant avec la parole de l'imam Malik. Et beaucoup de nos savants, de nos plus jeunes disent, hein, que l'imam Malik, c'est une preuve. Hein, c'est une preuve. Et au lieu de celui-là de la... Revenons à notre sujet. وهنا يقول الشيخ صالح, حفظه الله, أن الشيخ عبد المحسن العباد, حفظهم الله جميعا, وسائر علماء أهل السنة والجماعة, بينا مداخل الشيطان وهما مدخلان مدخل الشبهات ومدخل الشهوات وهناك مدخل ثالث ننبي عليه فيما بعد وهو مدخل الغضب ici الشيخ صالح السحيمي dit que الشيخ عبد المحسن العباد الله سبحانه وتعالى le préserve ainsi que tous les hommes de science hein, des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna hein, dit ici الشيخ عبد المحسن العباد nous a montré deux voies par lesquelles s'immisce le shaitan la voie d'yel shubuhat, la voie des ambiguïtés, et la voie d'yel shahawat, des plaisirs, hein. Il dit, il y a aussi une autre voie par laquelle s'immisce shaitan, qui est qui est la voie de la colère. Il a dit, c'est là, il va nous en éclairer un peu plus tard. فيقول الشيخ حفظه الله فمدخل الشهوات متعلق بالمعاصي بحيث يزينها الشيطان ويمني العاصي بطول الأمل ويقول تمتع بشبابك الآن وافعل ما بدالك وخذ ما حلالك وارتكب ما تريد لأنك في ريعان الشباب وغدا إن شاء الله يطول بك العمر ثم تتوب من ذلك الغي وتلك المعاصي. Et Cheikh Souhaimi de nous dire, Habidallahu Ta'ala, la voie d'Yal Shahawat a rapport avec les péchés et avec la désobéissance. Le shaitan, il embellit les péchés et la désobéissance. Et il leurre le désobéissant. Tu es encore jeune. Tu as la vie devant toi. Profite de ta jeunesse. Profite de ton temps. Fais ce que tu veux. Et commets ce que tu veux. Hein? Tu es encore jeune. Demain, Inch'Allah, tu vas te repentir. Tu as une longue vie devant toi. Demain, tu vas te repentir. Demain, tu reviendras de tes péchés. Demain, tu vas délaisser tout ça et tu vas revenir sur la voie. فيسوء يقول الشيخ فيسوف معه الشيطان إلى أن يموت البعض على غير هدى والعياذ بالله وما يدريه لعله يموت قبل ذلك فهذه خطورة المعاصي والمعاصي إذا غطت القلب تصمه وتعميه عن سماع الحق وفهمه كما قال عز وجل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نقطة سوداء فإذا نزغ واستغفر سقل قلبه يعني نظف فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه وذلكم الران المذكور في قوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Et شيطان leurre la personne jusqu'à ce qu'il meure. Certains meurent sans revenir, hein, vers Allah, et sans revenir, sans être guidés. Ils restent dans leur désobéissance, etc. Ils restent dans leur, hein, la voie de la débauche, etc. Sans revenir à l'aïdan billah. Et cela, quand Shaitan leur embellit cette situation, il est leur ainsi, hein, ils ne savent pas qu'ils vont mourir avant. Quand est-ce qu'il va mourir? Ils ne connaissent pas l'heure de sa mort, etc. Et ça, c'est le danger de la désobéissance et de l'embellissement du shaitan. Et la désobéissance, quand il couvre un cœur, il le rend aveugle, il le rend sourd, il n'écoute plus la vérité. Il le rend dur, il n'écoute plus la vérité, il ne comprend plus la vérité. Hein? Dans ce sens-là, il y a le sens de ce verset qui dit « Les mauvais actes qu'ils ont faits couvrent leur cœur. » Ran, un voile. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le serviteur, quand il commet un péché, il y a un petit point noir qui s'installe dans le cœur. Et quand il revient et se repent, son cœur va être astiqué, va être purifié. Hein? Et s'il augmente dans le fait de commettre les péchés, etc., bah, la tâche là, prend le dessus sur le cœur jusqu'à le couvrir. Et il dit ça, c'est Ran dont il s'agit dans le verset que Cheikh vient de nous citer. C'est une enveloppe. Hein, et la personne, à cause des mauvais actes qu'il fait, bah, il ne comprend plus la réalité, etc. Il ferme les yeux à la vérité, etc. Les oreilles à la vérité, etc. فإذا استمر العبد المعاصي واستمر عليها وسهلها تصبح عنده لا شيء ويستسئلها حتى تصبح عنده مثل شراب الماء من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه وكما يقال إذا كثر الإمساس قل الإحساس. Et donc quand la personne reste constante dans les péchés, que le péché lui devient facile, hein, aujourd'hui, demain, etc., jusqu'à ce que le péché devienne pour lui comme une gorgée d'eau. Hein? Le Cheikh a cité un vers en arabe, celui qui rend facile les choses, celui qui s'avise, le sens et les traits du Ra'ad. En tous les cas, s'il y a la fin du vers, il dit s'il y a une blessure sur le corps d'un mort, cette blessure, il sera pas guéri. Hein? Et il dit quand quelqu'un touche beaucoup, ou là il est touché beaucoup sur un point, il devient insensible. Je me donne l'exemple de celui qui est dans la désobéissance. À force d'être dans la désobéissance, il voit plus là la désobéissance en tant que désobéissance. Hein? فإذا همك الشخص في الذنوب فإنه يستسهلها فتتحول الصغيرة إلى كبيرة عند الإصرار ويصر على الكبيرة ولا يستغفر منها ويمنيه الشيطان بطول الأمل وطول الحياة ظنا منه أنه سيأتي اليوم الذي سيتوب فيه إلى الله عز وجل. Quand la personne plonge dans les péchés, il lui devient difficile. Et le petit péché devient un péché, un grand péché. Le péché mineur devient un péché capital. Avec le fait de le faire tout le temps. L'israr, la constance sur ce péché. Et il va être en constance dans le capital, dans le péché capital. Il va pas se repentir. Et Shaitan, il va le leurrer. Il le leurre. Hein? Avec, il aura une longue vie, etc. Et que, hein, il va y avoir un jour où il va se repentir à Allah Azza wa Jal, etc. وعندما يأتي هادم اللذات ومفرق الجماعات وعندما تبلغ الروح الحلقوم وعندما تغرغر الروح في الحلق تتحجرج تريد الخروج عندها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Mais quand lui arrive le destructeur des plaisirs et celui qui sépare les groupes. Et quand l'âme arrive à la gorge, il veut sortir, hein. À ce moment-là, la foi ne sert pas à une personne. Il n'a pas cru auparavant, hein. Et il n'a rien gagné dans sa foi qu'il avait. Rien ne sert quand t'arrives à le repentir au moment. Ce qui veut dire que le repentir au moment où l'âme sort ne sert plus à rien. فالمعاصي أمرها خطير فلا تهون من شأنها يا عبد الله ولكن المسلم لا ييأس من رحمة الله مهما ابتلي عليه أن يجتهد بالرجوع إلى الله وأن يعالج تلك المعاصي بعدة خطوات سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. Cher de nous dire, les péchés sont très dangereux. Il faut pas les négliger, serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Mais le musulman ne doit pas désespérer de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Malgré le degré de l'épreuve qu'il a dans les péchés, il revient vers Allah Azza wa Jal et il remédie à tout ça, il se repent, il a dit pour le repentir, il y a des pas à suivre. Hein? Et Chérid va nous en éclairer, Inch'Allah. Mais regardez qu'au contrairement à ceux qui rendent les musulmans mécréants par les péchés capitaux, regardez Cher ce qu'il dit. Les péchés sont dangereux. Mais on ne néglige pas. On ne doit pas les négliger, mais le musulman ne doit pas désespérer de la clémence de l'Azza. Contrairement à ceux qui rendent tout de suite le musulman mécréant avec un péché capital. ويقول الشيخ سحيم حفظه الله والمدخل الثاني من مداخل الشيطان وهو الأخطر وهو مدخل الشبهات والبدع والخرافات والغلو في الدين ويقول حفظه الله ألا يسع كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il dit la deuxième entrée, parmi les entrées d'Yal Shaitan sur la personne, ici la plus dangereuse, c'est l'entrée des ambiguïtés, l'entrée des innovations, hein, des histoires à dormir debout dans la religion, et aller aux extrêmes dans la religion. Et cher de dire, est-ce que ce qui a été large pour le prophète n'est pas large pour toi? Ça ne suffit pas la voix de ton prophète, alayhi salam. Le passage qu'après le prophète, alayhi salam, il n'est pas bon pour toi, il n'est pas large pour toi. بعض الناس يقول الشيخ يجتهد خطأ ظنا منه أن هذا الغلو يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وهو يبعده عن الله ويقسي قلبه وربنا يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيخ de nous dire, certains font des efforts avec erreur, croyant que le fait d'aller dans les extrêmes dans la religion, ça les rapproche d'Allah Azza wa Jal. Mais en réalité, aller à l'extrémité et faire ce qui n'est pas dans les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, croyant que ça nous rapproche d'Allah Azza wa Jal, ceci nous éloigne d'Allah Azza wa Jal, et durcit les cœurs en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de nous dire dans le Coran, dans cette traduction approximative du sens du verset, dit, est-ce que vous voulez que je vous annonce les perdants? Ceux qui ont perdu au niveau de leurs actes. C'est ceux qui se sont égarés. Ils ont fait des œuvres dans ce bas monde. Ils se sont égarés dans ce bas monde. Ils font des œuvres, mais ils ne la font pas sur la bonne voie. Ils croient qu'ils font bien. Ils croient qu'ils font bien. Et tout un chacun qui est dans une innovation, il croit qu'il est dans le bien, que c'est lui qui suit le prophète, et c'est lui qui met, hein, qui est sur la voie depuis Zahir. Il prétend, hein, il croit ça. ويقول الشيخ السحيمي حفظه الله وقد ذكر شيخنا حفظه الله بعض الآيات والأحاديث التي تحذر من الغلو في الدين وأن الغلو في غاية من الخطورة وجميع أسباب ضلال الأمم السابقة بل سبب الوقوع في الشرك إنما هو الغلو ومجاوزة الحد والزيادة. الشيخ السحيمي حفظه الله تعالى يقول notre cheikh, c'est-à-dire الشيخ عبد المحسن العباد, a cité des versets et des hadiths qui nous avertissent contre le fait d'aller aux extrêmes dans la religion. Et que l'extrême dans la religion est très dangereuse. Aller aux extrêmes, à l'extrême de la religion est très dangereux. Et toutes les causes de l'égarement des communautés avant la communauté de l'islam, et le fait qu'il soit tombé, et la cause qu'il soit tombé dans l'associationnisme, c'est le fait d'avoir dépassé les limites. C'est le fait d'aller qu'ils sont allés aux extrêmes. C'est ce qui les a fait tomber dans l'associationnisme. Hein? Et l'histoire du peuple de Nuh. Allez, salatu wassalam. Fayaqul le Cheikh Suhaimi, hafidhahu Allah, sami'tum an-nusus allati awrada al-Cheikh. وأنبه على نصوص أخرى لأن الشيخ حفظه الله قصد التنبيه وفيما ذكر غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو شهيد. Cheikh Souhaimi de nous dire, vous avez entendu les textes qu'a cité Cheikh Abd Mohsin Al-Abbad. Mais je vais attirer l'attention sur d'autres textes. Mais ce qu'a cité Cheikh Abd Mohsin Al-Abbad est suffisant parce qu'il a voulu attirer l'attention. Et dans ce qu'a cité Cheikh Abd Mohsin Al-Abbad, il y a de quoi faire, hein, pour celui qui a un cœur et qui a, hein, qui a bien entendu et qui est présent. لكن يقول الشيخ لا مانع أن نضيف بعض النصوص ويقول حفظه الله لما اتفق الرهط الثلاثة على الزيادة في العبادة بعد سؤالهم عن عبادة رسول الله كأنهم تقالوها فقالوا وإننا ومن منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم له ما تقدم وما تأخر من ذنبه فعزم أحدهم على أن يصوم ولا يفطر والآخر أن يصلي ولا ينام والآخر Et, chers amis, il n'y a rien qui nous empêche de rajouter d'autres textes. Il dit, c'est une histoire que vous connaissez tous. Histoire des trois bonhommes, hein, trois hommes, qui sont allés aux appartements du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pour demander, pour savoir comment il était l'adoration du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand ils posaient, ils ont eu les réponses comme s'ils ont trouvé que l'adoration du prophète, alayhi salatu wassalam, il est peu. C'est pas beaucoup. Ils se sont dit, où sommes-nous du prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah, il lui a pardonné ses péchés avant et ses péchés après. Et hein, il a dit, hein, moi, je vais prier sans dormir. Toutes les nuits, il va pas dormir, il va prier. L'autre, il a dit, moi, je vais jeûner toute la vie. L'autre, il a dit, moi, je vais pas me marier. Hein? Et quand le prophète est arrivé, il les a remis à la place. Il a dit, moi, je prie et je dors. Je jeûne des jours et des heures, je jeûne pas. Et je me marie avec les femmes. Ça, c'est ma voie. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Ça, c'est la voie de la guidée. C'est la voie que j'ai prise. C'est celle-là qu'il faut prendre. وعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقف في الشمس صائما ضاحيا قال ما لهذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يصوم ضاحيا يعني يقف في الشمس وهو صائم. قال مروه فليستظل وليتم صومه وعليكم السلام ورحمه الله. Et quand le prophète عليه الصلاة والسلام est arrivé, il a vu un homme debout au soleil, debout dans le soleil. Hein? Et il faisait chaud, canicule, et l'homme il est au soleil. Alors, qu'est-ce qu'il a celui-là? Tout le monde est à l'ombre. Qu'est-ce qu'il a celui-là? On dit, ah, Rasulallah, celui-là, il a fait un vœu. Comme quoi, il jeûne et il reste, il va pas sur l'abri. Il va pas à l'ombre. Rasulallah, il n'a pas dit, laissez-le tranquille. Là. Il a dit, dites-lui qu'il jeûne, mais qu'il rentre à l'ombre. Qu'il jeûne et qu'il rentre à l'ombre. La sunna de notre prophète alayhi salatu wasalam nous interdit d'aller aux extrêmes. Hein? Sur les trois là qui sont passés. Radiallahu ta'ala anhum ardhahum. Il voulait le bien. Parce que si on vient à notre raison à nous, et la raison des gens, tu vas dire à quelqu'un, hadé, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il veut jeûner toute la vie. Pourquoi pas? Il veut prier toute la nuit. Pourquoi pas? Il ne fait que le bien. Et ainsi de suite. L'autre, il veut pas se marier parce qu'il veut être tranquille. Il veut pas avoir d'empêchement. S'il veut faire dawa, il peut aller la faire tranquille, etc. Mais, Rasulullah, il va dire non, laissez-les là. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ma voix, c'est comme ça. Et c'est comme ça. L'extrême, il l'a arrêté le prophète, alayhi salatu wasalam. Non, mais de prendre le juste milieu. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, fait de cette communauté, une communauté du juste milieu. يقول الشيخ حفظه الله فالغلو خطير ولذا قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق وسببه اتباع الهوى الشيخ de nous dire que aller aux extrêmes c'est très dangereux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans cette traduction approximative aux gens du livre, n'allez pas aux extrêmes dans votre religion. Et la cause d'aller aux extrêmes dans la religion, c'est de suivre ses passions. والغلو قد يتجارى بأصحابه كما سيأتينا من قصة الخوارج تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه ثم ما دام ليس هناك فقه كما نبى على ذلك شيخنا على حديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وأنه بمفهومه ومنطوقه يدل على أمر عظيم إلى في الدليل الأكستريم amène les personnes. Hein? Le fait d'aller aux extrêmes, c'est comme fait la rage avec quelqu'un. Quelqu'un qui est allé dans la rage, il va dans tous les sens. Il tient pas. Hein? Un chien enragé, ça court dans tous les sens. C'est que, Cheikh dit, comme nous allons le voir, aller aux extrêmes, c'est comme la rage. Hein? Comme nous allons voir dans l'histoire d'Al-Khawarij, leur passion les amène dans tous les sens. Comme fait la rage du chien qui est atteint de la rage. Ils n'ont que ce qu'ils ont de leur passion. Ils n'ont que leur passion, puisque leur dicte leur passion. Et puisqu'il n'y a pas de compréhension dans la religion, comme l'a cité, comme a attiré l'attention là-dessus, Cheikh Abdel Mohsin Labad, avec le hadith, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien, il le verse dans les sciences de la religion, que la définition de ce hadith et l'expression de ce hadith nous prouve quelque chose de géant. فيقول الشيخ حفظه الله فبمنطوقه يدل على أن من أراد الله به خيرا تفقه في دين الله عرف الحلال من الحرام والشرك من التوحيد والحق من الباطل وأن من لم يحصل له الفقه في الدين فإن ذلك علامة على عدم إرادة الله سبحانه وتعالى له الخير وبخاصة أهل البدع والأهواء والعياذ بالله. Et il dit ce hadith dans son expression prouve que celui qui veut Allah subhanahu wa ta'ala du bien, il le verse dans la religion, il connaîtra le licite de l'illicite, hein, il connaîtra l'associationnisme et l'unicité, il connaîtra le vrai du faux. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la compréhension de la religion, hein, celui-là, c'est un signe comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala ne lui veut pas du bien. Et il dit surtout les innovateurs et ceux qui suivent leur passion, al-iyadu billah. Tajidu al-wahida minhum mudhlimun amaluh. Ya'ni la yarji' ila sunnah. لا يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقلة فقهه وعلمه يتقبل أي شيء يملى عليه وانظر هذه مظلم عمله ومظلم حتى وجهه. فانظر عندما تريد أن ترى هذا واقعي أخرج إلى الرافضة قرب البقيع فسترى كيف وجوههم، كيف هم سيماهم على وجوه، يوم تبيض وجوه وتسوزدون، انظر إليهم كيف. وكل أهل البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا نظر الله امرأ، أي كان له النور، هذا الذي يتبع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويبلغ السنة، وفي عكسه كيف سيكون؟ يكون عليه الظلام، الظلام على اللوج، الظلام في الأعمال، في كل شيء. Donc, et dit ces gens qui suivent leur passion, qui suivent les innovations, etc., leurs actes sont des ténèbres. Tu peux dire aussi leur visage. Ça veut dire que dans leurs actes, ils ne reviennent pas vers la sunna du prophète alayhi salam. Parce que la sunna du prophète alayhi salam, il y a quelque chose dessus, il y a une lumière sur la sunna du prophète alayhi salam. Et comme ils n'ont pas de compréhension de la religion, pas de jurisprudence, etc., bah, tout ce qu'on leur dicte, ils l'acceptent. N'importe quel beau parleur qui vient leur parler, ils les embobinent, ils les emmènent. Tu les vois des fois, certains, aujourd'hui il est dans Tbilir, demain il est chez l'Ahbash, après demain il est chez l'Ikhwan, après il est par là, il sait pas où il est. Là, là, ça part dans tous les sens. Et il y a une belle expression ici, elle cherche que leurs actes sont noirs, sont ténèbres. C'est simple. Tu veux voir ça? Sors de la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam et regarde le matin ou là le soir, toi, tu regardes Rawafid, ce qu'ils font à côté de l'Baqir, jette un regard. Leur acte, c'est des ténèbres. Ce qu'ils font, c'est des ténèbres. Et quand tu regardes leur visage, ils portent les ténèbres sur leur visage. Et tous ceux qui sont imbibés de l'innovation, etc., c'est sûr, leurs actes, c'est des ténèbres, et même leur aspect, Et ceci va de pair avec la parole du prophète alayhi salam qu'il a dit, il a fait un dua à ceux qui portent sa sunna. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala embellisse les visages de ceux qui portent la sunna. C'est-à-dire qu'il a transmettre comme ils l'ont entendu, etc. Et un des étudiants de Cheikh Nasser rahmatullah alayhi nous a raconté une fois, Cheikh Nasser a reçu sous sa tente à Minan tous des frères salafis du Soudan. Des frères salafis du Soudan. Et la couleur comment elle est, mashallah. Et Cheikh Al-Albani a dit à son étudiant, quand ils sont partis, la lumière de la sunna est sur eux. Ils sont embellis. Il y a une lumière sur eux. La sunna, c'est une lumière. Celui qui est sur la sunna, il n'y a aucun problème. Qu'il est touché par le dua du prophète alayhi salatu wasalam. فأتى الشيخ كذلك هنا ببيت شعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. جاني الهوى قبل ما نعرف شنو هو الهوى، القلب لا سخاوية هو يقعد فيها أحصل، يعني استمر في هواه حتى أضل وأضل والعياذ بالله. الشيخ دونو سيتي أن فير دو بوم سي. Sa passion m'est arrivée avant que je connaisse les passions. Il a trouvé que le cœur est vide, il s'y est installé, il y a pris place. Ça veut dire, il est resté constant dans ses passions jusqu'à ce qu'il s'est égaré, il a égaré avec lui le haïd ibn billah. Thumma tajid ha'oula, al-ahwa ul-bida. ينشطرون وينقسمون حتى يصبحوا شيعا وفرقا وأحزاب كثيرة متعددة لا تعد ولا تحصى. كل يوم تسمع هذا الصراط المستقيم، كل يوم يأتيك باسم جديد، كل يوم، كل يوم اسم جديد وفرقة جديدة، ولكن لا رجعت إلى الأصل، هي. Et ces gens qui suivent leur passion et suivent leurs innovations, ils se divisent. Ils font du poussin. Jusqu'à ce qu'il devient plein de groupes, plein de partis, etc. Chaque jour, tu as un nouveau nom qui naît. Hada sirat mustaqim, hada kfir tajir, hada. Ça n'en finit pas. Regardez, prends juste Jamaat al-Ikhwan al-Muslimin. Combien de groupes ils sortent de Jamaat al-Muslimin? Ça n'en finit pas. Ça n'arrête pas. branche après branche après la branche fait des branches et ça n'en finit pas. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله أشترى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فاحذروا من ذلك أيها الإخوة واجتهدوا فيما يقربكم من الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى العلم والعلماء وهذه وصية الشيخ سحيم عبد الله. Il dit, il avait récité, Cheikh Suhaimi Abdallah, il a dit, il avait récité de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et je vous traduis le sens, hein, le sens du verset. Si ça venait de quelqu'un d'autre qu'Allah, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont y trouver une grande divergence. Ils vont y trouver une grande divergence. Et Cheikh de nous donner un conseil. Faites attention, hein, et faites des efforts dans ce qui va vous rapprocher vers Allah, Azza wa Jal. Des efforts, une sunna, hein, et faites des efforts dans ce qui va vous rapprocher vers Allah, Azza wa Jal, en revenant vers la science et les ondes de science. And, revenons vers la science et vers les ondes de science. وقد ذكر شيخنا أن مصائب هؤلاء عدة أمور منها أنهم لا يفقهون الكتاب والسنة ثانيا أنهم يغلون في دين الله سبحانه وتعالى ويزيدون فيه ما ليس منه ثالثا أنهم لا يرجعون إلى علماء الأمة الذين يفقهون المسلمين في دين الله رابعا أنهم يكتفون باتباع أهوائهم وربنا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه من إله غير الله يأتيكم به. الشيخ سحيمي de nous dire, notre cheikh, Cheikh Abdel Mohsin Labbad, a cité les catastrophes de cela. Et Cheikh Sohaimi le résume dans quatre points. Il dit que cela ne comprennent pas le livre d'Allah Azza wa Jalla et la sunna de son prophète alayhi salam. Deuxièmement, ils vont aux extrêmes dans leur religion, dans la religion d'Allah. Ils rajoutent des choses qui ne sont pas de la religion. Et il dit troisièmement, cela ne revient pas vers les savants de la communauté qui font comprendre la religion d'Allah aux musulmans. Et il dit quatrièmement, cela se suffit, hein, du fait de suivre leur passion. Et il cite un verset du Coran et il dit, hein, dans le sens approximatif du sens, est-ce que tu as vu celui qui a pris comme divinité ses passions? Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a égaré. فإذن يقول الشيخ حفظه الله فإذن علينا أن نتنبه لهذا ولخطورته التي نبه الشيخ عليها وفقه الله. Et Cheikh Suhaimi de nous dire, nous devons faire attention à ceci et au danger de cette situation sur laquelle attire notre attention Cheikh Abdel Mohsin Labbad. فيقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ومن سوء الفهم في الدين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه فإنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا مخالفا لفهم الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما بين لهم الفهم الصحيح للنصوص فرجع منهم فرجع من رجع منهم وبقي من لم يرجع على ضلالة وقصة مناظرته لهم في مستدرك الحاكم وهي بإسناد صحيح على شرط مسلم رحمهم الله جميعا. Et Cheikh Abdel Mohsin Labbad nous dit de la mauvaise compréhension de cela, de qui il parle, Khawarij. De la mauvaise compréhension de la religion, c'est ce qui est arrivé aux Khawarij, qui se sont révoltés, ils sont sortis contre Ali radiallahu anhu. Ils ont combattu Ali, radiyallahu ta'ala. Ils ont compris les textes de la législation, une mauvaise compréhension. Une compréhension qui est en divergence avec la compréhension du compagnon du prophète, alayhi salam. Alayhi salatu salam. Et quand Abdullah ibn Abbas a débattu avec eux, il leur a montré, hein, la compréhension saine et la compréhension avenante des textes. Et revenu d'eux, parmi les Khawarij, beaucoup sont revenus de leur égarement. Et certains sont restés dans leur égarement, et l'histoire de leur débat est rapportée dans le Mustadrak, dans le tome 2, hein, avec une chaîne de transmission qui est sahiha, selon les conditions du musulman. Hein? وفيها قول ابن عباس أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ليبلغكم ما يقولون المخبرون بما يقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. Et faites attention aux expressions qu'il utilise, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas dit, je suis venu vers vous, je suis venu de chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les muhajirin wal ansar, pour vous transmettre ce qu'ils disent, ceux qui savent ce qu'ils disent, les compagnons. Sur eux, le Coran est descendu. Il les met en dehors, hein. Alors, indakum, je suis venu de ceux qui savent ce qu'ils disent. Le Coran est descendu sur eux. Vous n'étiez pas là, vous. Hein? Et eux, ils connaissent mieux la révélation que vous. Regardez comment ils attirent leur attention. Indakum, la voie que vous avez prise, elle est dangereuse. Vous êtes seuls, des compagnons. La vérité, elle est de l'autre côté. Wafihim, on dit, au milieu d'eux, le Coran est descendu. Il n'y a personne des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avec vous. Il attire bien leur attention sur la situation. Andakumra, vous êtes, hein, dans une voie dangereuse. Vous êtes allé, à ce que vous êtes allé, vous avez pris l'indépendance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la voie soit leur voie, hein. Certains parmi eux disent, ne litigez pas avec Quraysh. Ne litigez pas avec Quraysh, certains ont dit. Car là, il dit, ce sont des gens des litiges. قال ابن عباس رضي الله عنهما واتيت قوما لم ارى قوما قط اشد اجتهادا منهم مسهمة وجوههم من السهر كان ايديهم وركبهم ثثنى عليهم فمضى من حضر قال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول. Ibn Abbas maintenant va nous donner la description des hommes. Et regardez cette description qu'il donne. Il dit, je suis rentré, c'est des hommes, j'ai jamais vu des gens qui sont allés aux efforts, qui font beaucoup d'efforts comme eux. Très fait, hein. Et comment on dit le teint du visage? Leur teint, ouais, la mine, leur mine, il est marqué par le fait de veiller trop la nuit. Hein? Il est marqué. C'est-à-dire que il porte la trace du fait qu'il ne dorment pas beaucoup la nuit. Hein? Et de veiller à la lecture du Coran, à la prière, etc. Et ils ont des marques au niveau des genoux, de grosses marques. Ils font beaucoup de prières, etc. Ils ont, hein, des marques, des plaques très dures. Hein. Certains parmi les Khawaris sont partis quand Abdullah ibn Saud est arrivé. Certains sont restés. Ils ont dit, nous allons lui parler. Nous allons voir ce qu'il va nous dire. Regardez cette description qu'il a fait. C'est la même description. Rasoul aussi nous en a parlé. Il dit même aux compagnons du prophète alayhi salam, vous allez négliger votre prière à côté de leur prière et votre jeûne à côté de leur jeûne. C'est-à-dire que c'est des gens, hein, mashallah, ils sont trop loin, hein. Mais malgré tout ça, Rasoul aussi nous a décrit étant les chiens des gens de l'enfer. Kilabu al-nar. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قلت أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار. ابن عباس leur dit, qu'est-ce que vous reprochez au fils de langue du prophète alayhi salatu wassalam. Et son gendre aussi. Et Muhajirin et Ansar, qu'est-ce que vous leur reprochez? قالوا ثلاثا قلت ما هن ils ont dit trois c'est quoi قالوا اما احداهن فانه حكم الرجال في امر الله وقال الله تعالى ان الحكم الا لله وما للرجال وما للحكم فقلت هذه واحده ابن عباس جلوغي انونسي مو ce que vous reprochez à l'oncle du prophète عليه الصلاه والسلام et à son gendre. On lui reproche trois choses, ainsi qu'aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont Muhajirin et Ansar. On lui reproche trois choses. Il dit, c'est quoi ces trois choses? Il dit, la première, c'est que il a pris comme juge des hommes dans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il a pris comme juge les hommes dans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jugement appartient à Allah. Inil hukmu illa lillah. Et qu'est-ce qu'ils ont à voir, les hommes dans le jugement? Il leur a dit, ça c'est la première. Ça c'est une. Donnez la deuxième. قَالُوا أَمَّا الْأُخْرَى فَإِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ فَلَئِنْ كَانَ الَّذِي قَاتَلَ كُفَّارًا الَّذِينَ قَاتَلَ كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّ سَبِيهُمْ وَغَنِيمَتُهُمْ وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَّ قِتَالُهُمْ قلت هذه التنتان فما الثالثة. La deuxième, ils lui ont dit ce qu'il a combattu. Il n'a pas pris de butin. Si ceux qu'il a combattus, c'est des mécréants, il a le droit de prendre le butin. Si ce sont des croyants, il n'avait pas le droit de les combattre. Il leur a dit, ça c'est la deuxième. Ramenez la troisième. قَالَ إِنَّهُ مَحَى نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ الصحابه تكفروا ديريكت على طول فانه محى نفسه من امير المؤمنين فهو امير الكافرين عياذا بالله قلت عندكم سوى هذا قالوا حسبنا هذا فقلت لهم رايتم من قرات عليكم من كتاب الله ومن سنه نبي صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم اترضون قالوا نعم لا troisième ils lui ont dit il a effacé son nom du prince des croyants. Donc, il est le prince des mécréants, direct. Qui ils ont traité de mécréants? Alors, c'est les compagnons qui sont derrière Ali, radiyallahu ta'ala. Il y avait beaucoup de compagnons dans le camp de Ali. Direct, ils les ont traités de mécréants. Si ce n'est pas le prince des croyants, c'est le prince des mécréants. Il dit, est-ce que vous avez autre chose que ça? Il dit, ça suffit, c'est tout ce que nous avons. Il leur dit, vous voyez, si je voulais quelque chose du livre d'Allah, Azza wa Jal, de la sunna de son prophète, alayhi sallam, qui va refuter votre parole, est-ce que vous allez accepter? Ils ont dit oui. Faqultu ibn Abbas radiyallahu anhuma, amma qawlukum, hakkama ar-rijala fi amrillah, fa ana aqra'u alaykum ma qad rudda hukmu ila ar-rijal fi thumun rub'i dirham, fi arnabin wa nahwiha, min as-sayd, faqal, يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة أخرجت من هذه قالوا نعم عبد الله بن مسعود دكم السابق il dit, quand vous dites, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, quand vous dites, qu'il a pris comme juge les hommes dans les ordres d'Allah, je vais vous lire ce qu'il va réfuter. Je vais vous lire des textes dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a mis le jugement aux mains des hommes. Pour le prix d'un quart de dirham. C'est quelque chose de minime. Un gibier. un lièvre ou autre de la pêche. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette traduction approximative du sens, ou vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état de sacralisation, c'est-à-dire pour l'Umrah ou là pour l'Hajj. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors par quelques bêtes semblables à ce qu'il a tué d'après le jugement de deux intègres, connaissant le jugement. Deux intègres, c'est-à-dire connaisseurs de jugement, pour nous des savants. Parmi vous, et le cas de la ressemblance ici, par exemple, le cas qu'ont décrété les compagnons du prophète alayhi salam pour quelqu'un qui a chassé pendant la sacralisation. Par exemple, pour un pigeon, les compagnons avaient décrété que ça soit une brebis, soit égorgée comme offrande. Pour une autruche, il faut que ça soit une chamelle. Pour une vache sauvage, il faut que ça soit une vache. C'était le jugement des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pour quelqu'un qui a chassé en état de sacralisation. Donc le hukm, il est revenu à qui? Aux hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a laissé ce hukm, ce jugement aux hommes. Et il leur dit, est-ce que le jugement des hommes dont un gibier ou autre, que ce soit un lièvre ou autre parmi les gibiers qui sont chassés, est-ce que c'est mieux? Ou alors le fait qu'ils jugent entre les sangs du musulman pour réconcilier les musulmans? Et il leur dit, vous savez que si Allah il voulait, il n'aurait pas laissé ce jugement aux hommes. Et il leur rapporte une autre preuve. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, il leur dit, pour la femme et son mari, Allah nous dit dans cette traduction approximative du sens, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de la famille de l'homme et un arbitre de la famille de la femme. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Et il a mis le jugement aux hommes encore une fois. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala fait que le jugement des hommes est une sunna ma'mouna, dans laquelle il y a la sécurité. Ils leur disent que je suis sorti de celle-là. Lui ont dit oui. Qala, wa amma qawlukum, qatala wa lam yasbi, wa lam yaghnam. Atasbuna ummakum Aisha, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, thumma tastahilluna minha ma yustahallu min ghayriha. Fala in fa'altum laqad kafartum, wa hiya ummukum. ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم فإن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسكم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة فنظر بعضهم إلى بعض قلت أخرجت من هذه قالوا نعم إيه اللغدي. Quand vous dites qu'il a combattu et qu'il n'a pas pris de butin, est-ce que vous allez prendre comme butin votre mère Aïcha radiyallahu anha, puisqu'il était dans notre camp? Est-ce que vous allez la prendre comme butin et vous allez faire de Aïcha ce que vous faites des autres femmes? Si vous le faites, vous avez mieux cru. Et il est votre mère. Et si vous dites qu'il n'est pas votre mère, vous avez mieux cru aussi. N'importe comment, vous êtes en plein dedans. Si vous dites qu'il n'est pas votre mère, vous avez mécru. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette traduction approximative du texte, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. La parole d'Allah azza wa jal. Et ses épouses sont leurs mères. Il leur dit, vous tournez entre deux égarements. N'importe lequel vers lequel vous allez, vous êtes dans l'égarement. Ils se sont regardés les uns les autres. Il leur a dit, est-ce que je suis quitte de celle-là? Ils ont dit, oui, tu es quitte de celle-là. Regardez. Ils ont accepté la vérité. Je suis quitte, tu es quitte. Il n'y a pas de problème. واما قولكم ما حسمه من امير المؤمنين فانا اتيكم بمن ترضون واوريكم قد سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه كاتب سهيل بن عمرو وابا سفيان بن حرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا والله لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله يقول ابن عباس فوالله لرسول الله خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة Quand vous dites que Ali a effacé son nom du fait d'être prince des croyants, je vais vous ramener, vous conter la situation de celui que vous agréez. Et je vais vous montrer. Et regardez ici qu'est-ce qu'il va employer avec. Vous avez entendu, c'est-à-dire vous n'étiez pas là, vous avez entendu que le prophète, le jour d'El-Hudaybiyah, le jour du pacte d'El-Hudaybiyah, il a écrit, il y a un engagement qui a été écrit, entre Suhail ibn Amr et Abu Sufyan ibn Harb et le prophète alayhi salam pour le pacte. Hein? Et regardez ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, attention là, vous n'étiez pas présents. Mais les compagnons, ils étaient présents. Et vous, vous n'étiez pas là. Et les compagnons, ils étaient avec le prophète alayhi salam. Il leur a dit, vous avez entendu. Hein? Il mukhabara, hein? Il mu'ayana laysat ka al khabar. Et celui qui entend n'est pas comme celui qui a vécu la situation et qui l'a vu. Hein? Enfin, il a attiré leur attention. Hein? Et il leur a dit, le prophète alayhi salam a dit au prince des croyants. Au départ, il n'a pas dit prince des croyants. Il a dit le fils de l'oncle du prophète et son gendre. Et ici, il leur a attiré. Que vous le vouliez ou non, c'est le prince des croyants. Il a dit au prince des croyants, écris à Ali, radiyallahu anhu. Ça, ce sont les points sur lesquels se sont mis d'accord Muhammad, prophète d'Allah. Et là, il y a les associateurs, ils ont dit non. Non. Par Allah, non. Si nous savions que tu étais le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu. Nous ne t'aurions pas fait la guerre. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, oh Allah, tu sais que je suis ton messager. Et il a dit à Ali, écris Ali. Ça, c'est le point sur lequel se sont mis d'accord Muhammad ibn Abdillah. Et ainsi de suite. Quoi. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit, par Allah, que le prophète est mieux que Ali. Radiyallahu anhu. Wa salawatu rabbi wa salamu ala rasulillah. Et quand il a fait, il agit ainsi, ça n'a pas sorti de la prophétie. Quand il a enlevé, ça n'a pas sorti de la prophétie. Hein? Et Abdullah ibn Abbas de nous dire, et de ce peuple qui était là, de ces khawarij qui étaient là, 2000 sont revenus à la vérité, les autres sont restés, hein, sont morts. Ils ont été tués dans leur égarement. Regardez ce débat de cet homme de science, comment l'homme de science, il dissipe les nuages. C'est pour ça que pour nous, il est obligatoire pour nous dans ce genre de situation de revenir à qui de droit. De revenir à qui de droit, parce qu'il n'y a que ça qui va nous sauver. فهذه يقول الشيخ السحيمي حفظه الله هذه حجة عظيمة أقامها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما أقامها على الخوارج والقصة مستفيضة ومشهورة وقصة رجوعهم أشهر من أن تذكر. Cheikh Souhaimi Hafidhahullah Ta'ala nous dit, ça c'est une preuve géante qu'a accompli l'exégète de la communauté, le savant par excellence de cette communauté qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et il dit l'histoire, il est rapporté par beaucoup de monde, il est connu. Et le retour du Khawarij, il est connu aussi. Il n'a même pas besoin de l'énoncer. فعندما ناظرهم هذه المناظرة العظيمة بحكم أنهم أصدق من خوارج هذا العصر، تنبه، لا يرون التقية، خوارج القدامى لا يرون التقية، لأنهم يرون التقية أي الكذب كفرا، فلا يقولون بالكذب الذي يتبعه خوارج هذا العصر باتباعهم نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. الشيخ حفظه الله تعالى de nous dire quand Abdullah ibn Abbas a débattu avec eux ce grand débat, comme ils sont véridiques, ils ne sont pas comme les khawarij de notre époque, ils ne voient pas le fait taqiyah, c'est-à-dire le mensonge. Pour eux, le mensonge, c'est un péché capital, donc c'est de la mécréance. Donc ils ne le mettent pas en application, les anciens. Hein? Contrairement aux nouveaux. Les nouveaux khawarij, pour eux, le mensonge, monnaie courante. Parce qu'ils utilisent ces théories de Machiavel qui dit que le but justifie le moyen. Les moyens sont justifiés par le but qu'on veut atteindre. Donc mentir, c'est pas un problème pour eux, pour les contemporains. Hein? C'est pour ça, d'où, pour eux c'est normal, une ceinture, ils montent dans un métro, c'est pas un problème. Monter dans un avion et avec une ceinture, de bon, c'est pas un problème. Hein? Mentir pour arriver à un but, c'est pas un problème. Et donc ce qui, comme disent les hommes de science, ce qui est construit sur des faux, c'est faux. Ma bouni ala fasid, fa huwa fasid. Fa al-khawarij al-qudama kanu suraha ala dalalihim, kanu suraha. Ma indahum shay'un yakhfuna wa innama yubayyinuna ma yaf'alun. Ma yaf'alu mithl khawarij hadha al-'asr min al-kadhib wad-dajal wa qillati al-'ilm wal-basir. Les anciens khawarij, ils étaient clairs, malgré qu'ils étaient dans leur égarement, ils étaient clairs. Ils n'avaient rien à cacher. Ils déclaraient ce qu'ils voulaient faire. Ils ne font pas comme le khawarij de notre époque, qui utilisent le mensonge et le faux, avec le manque de science qu'ils ont et le manque de clairvoyance. مَعَا دَلَالِهِمْ فِي فَهْمِ النُّصُوصِ نَاظَرُوا هَذِي الْمُنَاظَرَةَ الْأُولَى وانظر كيف ردها ابن عباس عندما ادعوا أن عليا قبل حكم الرجال. Malgré dans leur ignorance, dans leur égarement et dans leur égarement dans la compréhension des textes, ils ont débattu ce premier débat avec Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Et regarde comment Abdullah ibn Abbas a réfuté leurs ambiguïtés quand ils ont dit que Ali a accepté le jugement des hommes. يقول الشيخ حفظه الله تعالى عندما نزل علي لما رفع أهل الشام المصحف نزلوا لحكم الله بغض النظر عن النتائج التي أعقبت ذلك، لكن من طلب منه أن يقبل حكم الله فيجب عليه أن يقبل، وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه. الشيخ attire notre attention sur un point très important. Il dit quand Ali, quand le camp adverse a soulevé, l'adverse à l'époque de Ali, c'était avec lequel il était en combat, ont soulevé les Coran sur les épées, Ali a accepté le jugement. Ça voulait dire que il faut revenir vers le jugement d'Allah. Donc il a accepté. Les autres de l'autre côté ont accepté. Hein? Malgré ce qui en résulte après par la suite, Cyril nous dit ici, il attire notre attention, celui à qui on demande de revenir vers le jugement d'Allah, il faut qu'il y revienne. Il faut qu'il y revienne. Peu importe ce qui va arriver, le résultat qui va en découler par la suite, peu importe. Mais on te demande de revenir vers le jugement d'Allah, tu dois te soumettre à ça. Tu dois te soumettre à ça. Hein? Il est évident, il y a une parenthèse que je vois ici. Il est évident qu'il y a une partie de notre histoire avec laquelle on se fait avoir. Ici en Europe, vient ces blédistes du bled avec leurs ambiguïtés et leur lecture de Sayyid Qutb, etc. Et tu viens, il commence à critiquer et à parler du mal sur Muawiyah, sur Uthman, sur etc. Il est très important que nous, on puisse étudier cette partie-là, depuis la mort du prophète alayhi salam jusqu'à la fin de la khilafa de Muawiyah, pour ne pas se faire avoir par les ambiguïtés qui ramènent cela. Et de les étudier avec des enseignements et des orientations d'hommes de science. Parce que comme dans tout, l'histoire doit être prête avec une chaîne de transmission et authentifiée. Hein? Et authentifiée en plus. Et sache que comme les hadiths ont été authentifiés, comme la biographie du prophète alayhi salam a été authentifiée, sache aussi que les hommes de science ont donné aussi l'importance à l'histoire. Ils l'ont authentifiée. Et tu te retrouves dans certaines versions rapportées par Tabari, des hommes de science. Tabari te le ramène par la chaîne de transmission. Ce qui a permis aux hommes de science d'aller chercher, d'aller authentifier. Non, avenant. Et il te montre les causes pourquoi, etc. Tu ne peux pas le prendre comme ça. Hein? Et justement, les ambiguïtés que nous ramènent nos frères qui viennent du bled, etc., ils le ramènent de là. Et ils ramènent les paroles d'El-Sayyid Qutb sur Muawiyah, sur Uthman, radiyallahu anhuma, etc. Et ils n'arrêtent pas. Hein? C'est pour ça qu'il est évident, quelqu'un qui dénigre Muawiyah devant toi, quelqu'un qui parle du mal sur Uthman, radiyallahu anhu, il faut que tu t'en sauves. Sauve-toi de lui comme tu te sauves de la gale. T'as peur de la gale? T'as peur d'être contaminé par la gale? Ben, la même chose. T'as peur du lion? Hein? Ben, tu te sauves de celui qui parle du mal sur Muawiyah, sur Uthman, sur n'importe quel compagnon du prophète, alayhi salam. Tu te sauves de lui et que tu aies peur de lui plus que le lion. Parce que le lion, s'il te mange, s'il te dévore, t'es tranquille. Mais Hada, il va dévorer ta religion. Il va te mettre dans des ambiguïtés. Il va te mettre dans des situations. Si tu te retrouves Allah Azza wa Jal portant les idées qu'il porte, je sais pas ce que tu vas lui dire. Parce que Hadou, ce sont les témoins de la révélation. Et puisque Zanadiqa, ils ne pouvaient pas arriver à dénigrer le prophète alayhi salam, ils dénigrent ceux qui portent son message pour arriver directement à dénigrer le message et à dénigrer le porteur du message qui est Muhammad alayhi salam. Il faut faire très attention. Ben, ça va trop loin. Ça va trop loin. C'est pour ça qu'on dit que tu entends quelqu'un qui te parle, sauve-toi de lui. Ya akhi, taqillah, khallah. Non, si t'as pas de bagage, etc., ne reste pas avec lui. Ambiguïté sur ambiguïté. Sauve-toi de lui et délaisse-le. Et demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, soit qu'il le guide, soit qu'il, وضرب لهم, فقال الشيخ السحيمي حفظه الله, وضرب لهم عبد الله بن عباس مثلين, واحد بتحكيم الرجال في تحديد جزاء الصيد الذي يقتل في الحرم, والثاني في تحكيم حكمين بين الزوجين إذا تعذر الإصلاح بينهما, وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ابن عباس nous a donné deux exemples au niveau du fait que qu'il est légiféré de prendre des hommes dans le jugement, comme juge. Hein? Il leur a donné l'exemple de celui qui chasse pendant la sacralisation d'Al-Umra ou d'Al-Hajj, et il leur a donné aussi le cas des deux arbitres qui vont rentrer pour essayer de résoudre le problème entre le mari et la femme. Un arbitre de la famille de la femme et un arbitre de la famille de l'homme. ثم الثالثة القتال الذي جرى بين الصحابة بسبب بعض المندسين. اسمع لهذا جيدا. الثالثة القتال الذي جرى بين الصحابة بسبب بعض المندسين أمثال عبد الله بن سبأ الذي يذكي النار بينهم كلما انطفأت أشعلها من جديد. فقالوا لما لم تسبي إن كانوا كفارا وإن كانوا مسلمين لما قتلتهم؟ فقال لهم هل تجيزون لأنفسكم سبي أمكم عائشة رضي الله عنها وتستحلون منها ما يستحله الناس من سباياهم بعد أن يستبرئوهن؟ لا la bataille qu'il y a eu, ce qu'il y a eu entre les compagnons du prophète Ali Sallam. Sa cause, c'est quoi? C'est ceux qui se sont immiscés entre les compagnons. Et à leur tête, Abdullah ibn Saba, le juif yéménite qui s'est converti à l'islam pour détruire l'islam de l'intérieur. Et ils sont groupés, tous ceux qu'il a éduqués rallument le feu. À un moment donné, quand ils ont vu que la situation allait se tourner contre eux, là, ils ont envoyé un assassiné dans le camp de Ali, un assassiné dans le camp de Muawiyah pour que ça rééclate. Et il leur a dit, quand ils lui ont dit pourquoi il n'a pas pris du butin, parce qu'il faut qu'il prenne le butin, c'est ceux qu'il a combattu, c'est des mécréants. Et si ils étaient des musulmans, il n'avait pas le droit de les combattre. Abdullah ibn Mas'ud les a réfutés, comme nous l'avons vu. Hein? Est-ce que vous allez, hein, vous permettre de faire de Aïcha votre mère et la mère des croyants, faire d'elle et rendre licite, hein, ce que vous faites des autres femmes? Faire de Aïcha comme vous faites des autres femmes, alors qu'il est votre mère et la mère des croyants. وإن قلتم إنهم مسلمون هل يجوز سبي المسلمين فرجع الكثير منهم وبقي البعض فقاتلهم علي حتى حصدهم إلا من فر منهم فإنه لم يتبع رضي الله عنه نعم لم يتبع فارهم ولم يسب ذراريهم ولم يجز على جريحهم رضي الله عنه وأرضاه Et si vous dites qu'ils sont musulmans, il n'est pas permis de prendre comme butin un musulman. Et beaucoup parmi eux sont revenus. Et le reste, Ali radiallahu ta'ala anhu, il les a combattus jusqu'à... Beaucoup parmi eux sont morts. Hein? Mais certains se sont sauvés. Et ceux qui se sont sauvés, Ali radiallahu anhu, ne les a pas poursuivis. Et il n'a pas frappé les blessés avec la jizya. Radiallahu anhu hada. Wa wujida baynahum mu'assis hadhihi ad-dalalah. وهو ذا الثذية سمي بذلك لأن يده مقطوعة ولم يبق منها إلا جزء يدردر مثل رأس ثذي المرأة Et parmi eux s'y trouvait le fondateur de cet égarement. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appelé de Thudaya. Thudaya, par rapport à ce que sa main a été coupée, il ne reste de sa main comme une mamelle d'un saint qui prend comme ça, qui bouge. فالشاهد من هذه القصة يقول الشيخ حفظه الله أن هؤلاء كان رائدهم الحق ولذلك رجع الكثير منهم فينبغي أن يناظر الذين عندهم استعداد أما الذين يتخفون ويتجمعون في الخلوات ويندسون في الدهالس ويقبعون في الأشجار والأودية ينقضوا على الإسلام والمسلمين فهؤلاء يجب أن يفتك بهم وأن يجهز عليهم وأن يبلغ عنهم ومن لم يبلغ عنهم فإنه خائن لله ولرسوله وإنه يستحق اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله من آوى محدثا Et le témoignage du Cheikh dans cette histoire, c'est que ceux-là, les anciens Khawarij, ils cherchaient la vérité. C'est pour ça que beaucoup parmi eux sont revenus. Et il dit, maintenant, il est obligatoire pour voir quelqu'un qui cherche la vérité de débattre avec lui. Mais il dit, quant à ceux qui se cachent dans les fleuves et dans les montagnes et dans les tavernes, hein, et qui se font des trous dans les arbres, ils rentrent dedans, etc., attendant l'occasion pour sauter sur les musulmans, attaquer les musulmans et attaquer l'islam, cela, il est obligatoire de s'en occuper. Hein, et de se préparer pour les contrer. Et de les dénoncer aux autorités. Hein? Certains de nos frères ont appelé Cheikh Najmi. Abdallah Ta'ala. Quoi, est-ce qu'on peut le faire quand on est dans un pays qui n'est pas un pays, le gouverneur n'est pas musulman? Est-ce qu'on les dénonce? Cheikh Najmi a dit oui, si vous sentez qu'il y a une trahison, qu'ils vont trahir, etc., hein, dénoncez-le. Hein? Pourquoi? Il est obligatoire. Il dit, Cheikh Suhaimi, il dit, celui qui ne les dénonce pas, il a trahi Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Il mérite la malédiction par la voix de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit, la'an Allah, Allah a maudit celui qui prend au refuge un innovateur. Un innovateur. Allahumma, yaqulu Cheikh, Allahumma illa shakhsun ja'aka wa tab وأعلن توبته وعلمت صدقه واستمر وحسن حاله فالحمد لله القائل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فهذا في المحاربون فإذا تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قبلت توبتهم اللهم إلا من قتل فإنه يقتل قصاصا بسبب من قتل وهذا لا بد أن يقيد وهذا في بلاد تقيم شرع الله ويقوم به ولي الأمر لا أحد الناس فالأمر ليس بفوضى فليس هناك فوضى في الإسلام ها الشيخ يقول sauf c'est un être humain vient il se repent il déclare son repentir et tu sens la véracité dans son repentir et qu'il reste dans ces situations il devient bon. Dans ces cas-là louange à Allah Azza wa Jal qui a dit sauf ceux qui ont cru avant que vous n'avez pris le dessus sur eux. Et ceux-là, de qui ils choisissent? Ceux qui ont fait la guerre, qui vous ont combattu. S'ils se repentent, avant que vous ayez pris le dessus sur eux, leur repentir est accepté. Sauf ce quelqu'un a assassiné. Et celui-là, il doit être tué par la loi du talion. Hein? Par le meurtre qu'il a commis. Mais attention ici. Ici, cette loi-là, il reste du domaine du gouverneur. Pas n'importe, il y a pas du paganisme, hein. C'est le gouverneur qui doit la faire. La sentence, c'est le juge qui doit la faire, hein. C'est pas n'importe qui individu dans la communauté, il se lève, ouais, il a tué, je le tue. Pour la personne qui l'a tué. Là, loin de là. La situation, c'est pas de la pagaille. Il doit rester à sa, chacun doit rester à sa place. Il y a des juges, il y a ceux qui, hein, etc. Et chacun reste à sa place. Chacun, même dans un pays musulman, c'est le gouverneur et c'est les juges du pays qui doivent donner la sentence, qui doivent la décréter, la mettre en application, etc. Ce n'est pas à n'importe quel individu de là. Il n'y a pas de fonda dans l'islam. Il n'y a pas chacun, il fait. Là, il y a des spécificités. Et les spécificités, comme on les respecte dans tout, on doit les respecter aussi dans les jugements d'Allah Azza wa Jal et dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, des fois, on respecte tout. Toutes les spécialités, les spécificités, on respecte le domaine du cardiologue, le domaine du routier, ceci, etc. On ne s'immisce pas. Sauf la religion de l'Allah, Azza wa Jal, on ne veut pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. Hada, le charbonnier, il s'y met. Le cordonnier s'y met. Le physicien, va aussi. Mais moi, si je m'immisce dans la physique, et je change une tuyauterie. Pourtant, si je change une tuyauterie, je lui donne un autre résultat. Qu'est-ce que ça va changer? Rien. Mais si le physicien Ada, il vient, il change les lois de l'Allah, qu'est-ce que ça donne? Il change les pratiques de la religion, qu'est-ce que ça va donner? C'est beaucoup plus grave que moi si je dis 1 plus 1 égale 3. Où est le problème? Qu'est-ce que ça change? Mais Ada, s'il vient, il change les pratiques de la religion et les sentences de la religion, qu'est-ce que ça fait? Subhanallah, les gens, je sais pas où on a des fois, où on a nos esprits. Toutes les spécificités, on les respecte. J'ai mal aux dents, je vais pas chez le mécanicien. Hein? Mais un beau parleur mathématicien, ou la hada, viens, je t'apprends la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. D'où tu l'as appris? Hein? Subhanallah. S'il est, c'est à côté des mathématiques, il a la connaissance, et il a aucun problème, alhamdulillah. Le musulman qui, dans lequel se trouve beaucoup de spécialités, alhamdulillah. Hada, c'est un bien pour la communauté, ou là. Hein? C'est un grand bien. Dans n'importe qui vient, yallah. Ah, c'est très dangereux. C'est pour ça que nous devons revenir. Pour le cheikh, هنا, on a retenu bien هذه الكلمة للشيخ. فعلينا أن نفهم النصوص وأن نقف عندها وأن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الصالح. Ah, cheikh, on va s'arrêter à côté de ce conseil du cheikh. Il est de notre devoir de comprendre les textes et de s'arrêter devant les textes et que nous suivons la guidée de notre prophète alayhi salatu wassalam selon la compréhension de ne plus zayr d'Allah alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاك الله خيرا. نحن نكمل الرسالة إن شاء الله demain à partir de 15h et après صلاة العشاء aussi.